À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, les journaux, les agences de presse et les radios cambodgiennes ont présenté les numéros spéciaux. Le journal Nokor Tom Daily, les radios internationales Apsara et FM 90,5 ont indiqué que le général Kim Jong-il s'est dévoué pendant toute sa vie pour le pays et le peuple afin de jeter les assises éternelles de la prospérité de la patrie. Et ils ont exalté sa vie pleine d'amour pour le peuple. L'agence Cambodge Press a exalté ses exploits mortels accomplis dans les secteurs idéologiques et théoriques ainsi que dans la direction de Sun Gun et expliqué que le peuple coréen l'honore comme leader éternel. Elle a présenté les impressions des personnalités de renom étrangères qui exaltent vivement le général comme homme politique sans égal, commandant prestigieux, dirigeant compétent et grand saint sans pareil. Le Nokor Tom Daily a inséré le portrait en sourire du général.